Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la cellule hebdomadaire, pour play, avec Thomas Poussou et Flavie Garnier. Flavie, ça va, la pêche ? La pêche ! Thomas, ça va ? Ça va, oui. Donc, Nadia. Nadia. Aujourd'hui, un thème extraordinaire, un thème fascinant. Extraordinaire et fascinant, rien que ça. L'eau bleue, qu'est-ce que l'eau bleue ? Sommes-nous tous des rôlistes ? Vous qui nous écoutez, chers auditeurs, êtes-vous des rôlistes ? Sommes-nous tous des rôlistes ? Parce que de temps en temps, on entend ce genre de propos défendus, par exemple, sur des organismes comme la Fédération Française de Jeux de Rôle. Thomas. La Fédération Française de Jeux de Rôle, la FFJDR, dit que tout le monde est des rôlistes ? Alors oui, Thomas Laboret affirme que lorsque nous étions petits, toi et moi, nous jouions déjà ensemble aux cow-boys et aux indiens. Je faisais l'indien, objection, tu faisais le cow-boy. Objection. Et donc, le fait de jouer aux cow-boys et aux indiens comme ça, pour Thomas Laboret, c'était déjà du jeu de rôle. Donc, il prétend que nous sommes tous des rôlistes à la base et qu'après, pour diverses raisons, on s'éloigne du rôlisme. Hein. Mais Donc, en gros, pour Thomas Laboret, d'après ce que tu me dis, hein, je ne veux pas forcément dire quelle est sa pensée, mais ce serait qu'on fait du jeu de rôle ou un moment où à plusieurs, on imagine quelque chose, quoi. Oui, en tout cas, à un moment où on partage un ensemble de règles en commun qui permettent de jouer un rôle. Genre, moi, je vais faire les Indiens, donc on sait que les Indiens, ça a des plumes dans les cheveux, ça tire à l'arc avec des flèches, et que les cow-boys, ça J'ai fait pampan. J'ai déjà plein de choses à dire. Ah, moi aussi, Flavie, hein. Flavie Garnier. Bon. Vas-y. Alors. Première chose. Bon, il s'avère que je bosse dans l'éducation, hein, donc je lis pas mal de bouquins et je lis pas mal de trucs sur le jeu et l'enfant. Pas mal de foutaises qui disent « Ah, oh, mais on est des rôlistes, ils font des jeux de rôle, les enfants. » Ils font pas du jeu de rôle, les enfants. Ils font pas du tout du jeu de rôle. Pourquoi ? Parce que, tu l'as dit, ça nécessite d'avoir des règles en commun. D'accord. Et le jeu de rôle qu'ils appellent jeu de rôle pour les enfants, comme le jeu de rôle de l'Indien et du cow-boy, techniquement, ils n'ont pas mis en place des règles. Les règles se mettent en place d'elles-mêmes, mais au fur et à mesure. Donc, il s'avère que généralement, ils ont des règles qui ne sont pas les mêmes. Donc, ils finissent par se... Ah, je sais pas d'accord. S'engueuler, se disputer. Ouais. Voilà. C'est effectivement ce que je voulais soulever. C'est que moi, je me souviens, quand j'étais gamin, on commence à faire, par exemple, le jeu de l'Indien et du cow-boy. Le cow-boy, il fait « Ah, Pampan, je t'ai tué !» Il fait « Non, non, mais j'ai un gilet pare-balles. » Comme ça, j'ai un gilet pare-balles, mais t'es un Indien. « Bah oui, mais je l'ai volé sur un cow-boy. » Donc les règles changent en fait. Voilà, déjà première chose, donc il n'y a aucun consensus au début quand les enfants jouent. D'accord. Qui va mettre en place quelque chose autour d'une table ou ailleurs. Deuxième chose, le jeu de rôle qu'ils appellent jeu de rôle, n'est pas en fait un jeu de rôle, c'est un jeu de développement. D'accord. C'est un jeu d'imitation. Donc ça n'a absolument rien à voir avec un jeu. Ils imitent ce qu'ils ont vu à la télé ou ils imitent leurs parents dans les jeux de coin, dans les jeux poupées. Ils imitent leurs parents qui cuisinent. Ils imitent la maîtresse. Ils imitent même la lecture quand ils ne savent pas encore lire. Ça s'appelle un jeu de faire semblant. Voilà. Mais ça n'est en aucun cas un jeu de rôle. D'accord. Thomas. Donc la définition que tu donnes du jeu de rôle, c'est la définition que donne l'Éducation nationale. Non, je suis en train de dire justement. Que justement, c'est pas ça le jeu de rôle. Moi, je te dis ce que donne. C'est pas l'Éducation nationale, c'est les bouquins qui disent, qui parlent de. Parce que j'en lis beaucoup, et il se trouve que les bouquins qui parlent du jeu chez l'enfant disent que l'enfant est dans le jeu de rôle. Je pense qu'il y a un abus de langage très clair. D'accord, ok. C'est-à-dire que pour toi, les enfants à ce moment-là ne sont pas en train de pratiquer du jeu de rôle. Non. Ils sont en train de faire un jeu art de d'imitation, quoi. Voilà. Enfin, un jeu de développement et d'imitation. Oui. Alors, on j'ai va plutôt dire un type de jeu de rôle. Ouais, un. Ah, est-ce que c'est un type de jeu ? Moi, je pense pas. Je pense que c'est vraiment un jeu d'imitation. Et pour moi, le jeu de rôle n'est pas un jeu d'imitation, c'est un jeu d'imagination et c'est complètement différent. D'accord. Parce que là, c'est compliqué. Parce que est-ce que, par exemple, l'idée même de règles consensuelles est une définition de base, enfin, fait partie de la définition de base du jeu même ? Si c'est le cas, on peut pas dire qu'il y a un jeu. S'il n'y a pas de règles, donc que ce soit du jeu d'imitation ou du jeu de rôle, il y a forcément un consensus. Parce que dans ce cas-là, tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, mais aussi entre le jeu de société. Fais un amalgame entre le jeu de société et le jeu en général. On peut très bien jouer sans qu'il y ait de règles établies. Enfin, les règles peuvent se mettre en place d'elles-mêmes. Le jeu ne confond pas jeu de société. Donc, du coup, on ne peut pas répondre à Thomas Laboret en lui disant non. Parce que quand on joue aux cow-boys et aux indiens quand on est gamin, c'est parce qu'il n'y a pas un consensus sur les règles. Oui, parce qu'il assimile ça à du jeu de rôle. Sauf que le jeu de rôle est un pendant du jeu de société. Le jeu de société, en revanche, nécessite un consensus de règles autour d'une table. D'accord, ok. Alors, moi, je suis Thomas. De suite révolté. Je ne pulse quoi. Voilà, je pulse, je pulse. Toi. Non, ce que je voulais surtout dire, c'est que par rapport à tous les podcasts qu'on a fait, ouais. Souvent on dit qu'attention, quand on fait du jeu de rôle, on part toujours dans un principe que tous les gens qui sont autour de la table vont jouer dans le même univers, tout à fait. Avec le même système. Tout donc on est fait. Obligé de poser des règles. Donc entendre dire que le jeu de rôle, t'as pas forcément besoin de règles. Voilà. Ah non, c'est non, parce non, que non, j'ai justement. Dit, j'ai dit justement, ah, c'est ce que j'ai entendu. Non, j'ai dit justement que c'était un pendant du jeu de société, oui, que justement il y avait besoin de règles, alors autour que de la jeu... table préétablie. Ah, j'ai entendu que le jeu de société avait surtout besoin de règles par rapport au jeu de rôle. Non, c'est le jeu en fait, le jeu que pratiquent les enfants n'est pas assimilé au jeu de société. C'est-à-dire qu'il y a c'est plusieurs parce que types Rome, de jeux, disait, ouais. Rome disait, ouais, mais dans ces cas-là, le jeu... Il y a des jeux où il y a des joueurs et il y a des jeux où il y a des enfants qui, de qui s'amusent à faire de l'expérimentation. Voilà, où il y a du de l'amusement. Divertissement. Ouais. D'accord, ok. Non, mais c'est ça. Je vois bien ce que tu veux dire, Favi, je pense. Thomas, ça va? C'est clair? Non, mais là, on est tout de suite d'accord. C'est bon, ok, ça roule. Donc, mais alors, par rapport aux cow-boys et aux Indiens, donc pas de jeu de rôle, clairement? Non, c'est pas du jeu de rôle pour moi. D'accord. Alors moi, j'ai une autre idée. Quand on dit, par exemple, et si j'avais été machin, ou si j'étais arrivé à l'heure, alors il se serait passé ci, il se serait passé ça. En gros, lorsqu'on utilise le conditionnel, est-ce que quelque part, on n'est pas en train de se mettre dans une position de faire du jeu de rôle? Ouais, à ce moment-là, n'importe quel écrivain fait du jeu de rôle. Bah oui, un écrivain, il imagine l'univers, il va imaginer un personnage, il va faire découler une histoire. Alors non, je parle bien de quelque chose de personnel. C'est-à-dire, par exemple, quand tu dis, si j'étais arrivé, t'imagines, si j'avais pas freiné, on se serait mangé cette personne, et alors il se serait passé ça et ça et ça, et que tu développes. Non, tu fais pas du jeu parlant, de rôle. En parlant de toi, en parlant de ce qui te serait arrivé à toi. Tu te projettes dans le futur, dans une hypothèse, c'est pas du jeu de rôle. D'accord. Dire tu ne vas pas dire comment expliquer ça par rapport au jeu de rôle. Tu t'imagines l'acte. Ouais. On est d'accord. Mais tu n'es pas là pour le faire évoluer dans un monde parallèle. Gagner des points, gagner des pecs. Même sans gagner des gains de points et des gains de pecs. Parce que je pense pas que le jeu de rôle se limite à un gain de pecs, un gain de points et un jeté de dés. Flavie. Je pense que c'est juste de la pensée, ça. Enfin, ça me rappelle des choses qu'on a dites pour quand on faisait le one shot sur. Ah, je n'ai pas retrouvé le nom. Le premier. Secret. Non, l'autre. Donc c'est Sweet Agatha. Sweet Agatha, où du coup on s'était posé la question de savoir si c'était un jeu de rôle. Ou pas. Ou pas, ouais. Parce qu'on pouvait y jouer seul et que c'était juste se mettre dans un univers, etc. Et moi, ce que tu dis, c'est la même chose. C'est le conditionnel serait la seule règle à ce moment-là. Et on se met à imaginer ce qui aurait pu se passer. Mais dans ces cas-là, tu es juste dans ton trip à toi. Je pense que le jeu de rôle, comme on le disait, c'est un pendant du jeu de société. Ouais. C'est un sous-jeu. Enfin, un sous-jeu de société, ça fait partie de la même famille. Donc il faut être à plusieurs. De 2 à X joueurs. Donc finalement, ça veut dire que quand on fait un jeu de faire semblant, où on dit ah, ou alors quand on imagine juste ce qui aurait pu se passer quand on utilise le conditionnel, on est clair là-dessus, ce n'est pas non plus faire du jeu de rôle. Ah non, on n'est pas rôliste dans ces cas-là, on est juste un être humain qui imagine des possibilités. D'accord. Donc en fait, je pense, du coup, par voie de conséquence, que ce que voulait dire. J'ai oublié mon troisième cas. Alors, autre cas, troisième et dernier cas, je pense. C'est un autre exemple que prend Thomas Laboret, où il. Alors, le but, bien sûr, de ce podcast, c'est pas de taper sur Thomas, parce que ses idées sont intéressantes. Justement, on verra comment on peut les développer tout à l'heure pour dire des choses, à mon avis, passionnantes. Mais si, troisième cas, imaginons qu'on se raconte des histoires entre nous. On est, par exemple, des adultes, et puis on est en train de se raconter des histoires. Puis il y en a un qui prend une espèce de position de meneur de jeu, entre guillemets, puisqu'il raconte l'histoire et il te pose la question. Et toi, t'aurais fait quoi dans ce cas-là, Flavie? Est-ce qu'on est dans le cadre d'un... Alors, pour moi, non, on est dans un baron de Munchausen. Hein. non, même pas, ça arrive, ouais. Ça arrive tous les jours. Genre, je parle pas d'un baron de Munchausen, parce que c'est qu'il y a un jeu de rôle bien particulier. Mais imagine les moments. Ouais, donc, le baron... Je veux juste savoir ce que c'est que exactement le baron de Munchausen. C'était à part un mec sur un boulet. Voilà, c'est ça. C'est la fameuse histoire de ce gars, ce fameux noble qui racontait des histoires un peu des fariboles. Et j'adore ce mot. C'est très très beau, fariboles. J'adore ce mot. Et donc. Et donc des calembres d'aine jeu... et des pantalonnades. Des galéjades, comme dirait un ministre, qu'on ne citera pas. Donc, le jeu de rôle t'oblige à te mettre dans la peau d'un noble qui raconte à la cour des histoires aussi folles que celles du baron de Munchausen. Donc voilà. Bon, après, nous, on a joué sans le système de jeu. C'est-à-dire qu'on s'est juste amusé à raconter les histoires. Donc on ne peut pas dire si je vais bien ou pas. Alors, pour reprendre mon cas, c'est... Non, on est dans une soirée. Je te raconte quelque chose qui m'est arrivé. Un truc où j'étais complètement sous, j'ai fait une connerie. Et ensuite, je te donne la parole en te disant « Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ?» Première chose, il n'y a pas de système de jeu qui sous-tend dans le truc. Oui et non. Deuxième chose, dans ces cas-là, tu es plus dans la position de conteur. Le conteur n'est pas un MJ. Le conteur raconte une histoire, il ne laisse personne y participer. Et lorsqu'il donne la parole à l'autre, c'est la position de conteur qui change. D'accord. Ce n'est en aucun cas la position de MJ et de joueur. Parce que, ouais. C'est la position de conteur qui change. D'accord. Mon goût. Ouais, parce que en fait, le truc, c'est que Thomas Laboret suppose, en tout cas la Fédération française de jeux de rôle ou Imaginez.net, je ne sais jamais trop avec Thomas qui parle, mais il suppose que le jeu de rôle est né des contes au coin du feu de bois, si tu veux. Justement, est né des contes autour du feu de bois, ce qui veut bien dire que les contes n'en étaient pas du jeu de rôle. D'accord, ok. Bon, là, ouais. On joue un peu sur les mots, mais oui. Non, c'est le conte, c'est autre chose. La position de conteur, il va travailler l'imagination des gens en face de lui, mais il ne va pas les laisser participer. Il va faire des rebondissements, mais les personnages sont passifs en face de lui. D'accord. Enfin, ils ne participent pas. Par définition, dans le jeu de rôle, les joueurs sont actifs. Oui, et puis c'est surtout qu'ils ont un personnage en tête, même si certains partagent le même. Justement, quand on se retourne vers l'autre et qu'on lui dit « Et toi, t'aurais fait quoi à la place de ce gars ?» La position de compteur change, c'est tout. D'accord. Ah, plus, d'accord. Le premier compteur... On se refile le compte. Voilà, et le premier compteur va dire « Bah, c'est très bien, mais moi, j'aurais pas fait ça. » Il va dire ça. Mais au final, aucune des deux histoires ne l'emporte. Donc, on ne crée pas une histoire à deux, ce restera toujours deux histoires parallèles. Thomas, ça va, ça ? Bah moi, au sujet, effectivement, un gars qui vient de me raconter une histoire, qui me dit qu'est-ce que tu aurais fait en situation, moi, j'irais pas jusqu'à du jeu de rôle. Ça y ressemble. Je dirais pas que ça y ressemble. C'est que c'est pas du jeu de rôle que d'une part. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de règles spécifiques, mais les règles sont induites. Puisque là, on va te parler de la vie de tous les jours. Donc, tu te prends une balle, t'es mort. Si tu ne sais pas manipuler du poison, Elles sont présupposées. Les règles sont induites. Ouais. Voilà, les règles existent quand même. Non, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas vraiment une construction d'histoire. Ouais, exactement. C'est, on reste dans le règle de l'hypothèse, on dit bah oui, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Mais si tu veux, tu n'as pas de conséquences. Ouais, moi, c'est pour ça que je serais assez d'accord avec Fly. À mon avis, ton argument, Flavie, est très bon. C'est-à-dire l'histoire de dire ouais, non, ça ne peut pas être du jeu de rôle parce que c'est juste du conte et puis on se refile la patate. Parce que à aucun moment il y a d'interaction. Parce que c'est important, et si on regarde par exemple la définition Wikipédia du jeu de rôle, l'interaction avec la fiction et le fait que ce qui a été dit dans le passé ne soit jamais remis en question, quand on entérine en fait une décision ensemble, on ne peut pas la remettre en cause, et bien ça vient à l'encontre de donc ce qui fait partie de la définition du jeu de rôle à ce moment-là, le fait de pas revenir sur ce qui a été dit vient à l'encontre de la démarche que je citais tout à l'heure. C'est-à-dire quand on passe le compte à ce moment-là, justement la règle, c'est de dire ce que nous on aurait fait à la place. Et de la même façon pour rejoindre quelque chose qu'on a dit au début sur les jeux de rôle pour enfants. Ouais. Rien n'empêche, comme tu disais Thomas, de dire « Ah non, mais de revenir sur quelque chose qui a été dit. Ah, finalement, ça s'est pas passé comme ça. On peut avancer. Ah, finalement, je suis à nouveau en vie. » Exactement. Coucou. C'est une des premières règles que les gamins dans les jeux d'imitation remettent en question, justement. C'est le fait que ce qui a déjà été dit puisse finalement être un mensonge. Genre, pan-pan, t'es mort. Non, je suis pas mort, en fait, parce que machin truc. Donc là, on revient justement en cause. Alors que dans un jeu de rôle, si les règles sont bien faites, si c'est vraiment un jeu, et encore une fois, c'est de la définition de Wikipédia, on ne revient pas sur ce qui a déjà été dit. D'ailleurs, je vais juste passer mon petit coup de gueule. Flavie, puis après Thomas. Je trouve que l'appellation jeu de rôle, quand on parle des jeux pour enfants, c'est un effet de mode qui commence à me casser, à me les briser menus. Parce que je suis désolée, mais Piaget, il avait appelé ça jeu d'imitation, il avait bien raison. Jeu de rôle, c'est le mot qui est apparu parce que dans les années 80-90, c'était classe de pouvoir dire jeu de rôle quand on parlait des jeux pour enfants. D'accord. Et maintenant, c'est juste un effet de mode et il serait peut-être temps que l'effet de mode y passe et qu'on rappelle un chat un chat. Voilà. D'accord, ok. Donc Thomas, tu voulais dire quelque chose après? Oui, je voulais juste redire sur le fait qu'on puisse pas revenir en arrière, revenir ce qui a déjà été fait. Moi, je vois très bien un jeu où dans le système, on dit bah si tu peux revenir en arrière, oui, alors, modifier sauf le temps. Si bien sûr le système le précise. Ouais. Je vais juste préciser ça. Mais c'est vrai que la définition que Wikipédia qu'on donne en général du jeu de rôle, c'est elle a pu changer en plus cette définition, j'ai pas été voir avant le podcast, mais la définition qu'on donne en général du jeu de rôle, il y a ça dedans, mais c'est clair qu'on connaît des jeux dans lesquels justement même on s'amuse à revenir en arrière, à dire non, ça s'est pas vraiment passé comme ça, etc. Voilà. Moi, je pense que pour le dire revenir en arrière, c'est que je pense que les actions des joueurs ont forcément des répercussions. Ouais. Je pense que c'est mieux. Ça, c'est mais ce n'est pas que ça le jeu de rôle. Parce que sinon, tu fais un jeu de plateau, c'est un jeu de rôle. Parce que ce que fait un joueur a forcément des répercussions. Et c'est vrai que dans le cas où on se passe le compte, ce que font les autres n'a aucune répercussion sur l'histoire que les autres ont compté précédemment. Puisque, je dis une première histoire, et toi, t'aurais fait quoi dans cette situation? Moi, il serait passé ci, il serait passé ça. Ouais, non, c'est clair. L'interaction, là encore, elle manque. Donc voilà, donc voilà trois cas dans lesquels. J'en ai trouvé un quatrième quand tu passais ton coup de gueule, Flavie. Par exemple, dans les entretiens d'embauche, maintenant, on trouve de plus en plus, ou même dans certains manuels de formation des professeurs, certains manuels dans de formation des infirmiers. Dans beaucoup d'animations pédagogiques que j'ai faites, moi exactement, aussi. Exactement, on trouve le terme jeu de rôle. Est-ce que les gens qui font passer des entretiens d'embauche en mettant en situation des personnes sont dans un jeu de rôle? Flavie, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que ça rejoint mon coup de gueule. Non. Je trouve que ça n'en est pas et que c'est juste un truc un peu fun pour dire qu'on va faire du jeu de rôle, les enfants, allez ! Non, c'est pas du jeu de rôle. Et pour avoir vécu cette merveilleuse animation pédagogique, on va faire un jeu de rôle, ça va être marrant. Mmh. Ou au final, c'était juste une mise en situation totalement merdique, sans rien pour soutenir ce qu'on était en train de faire. Tu vas faire le professeur et nous, on va être les parents qui vont te parler. Mais c'était absolument merdique, il n'y avait aucune trame. Alors d'accord, on montait une petite scénette, ok, d'accord, mais c'était pas une histoire qui avançait, chacun restait dans son truc, c'était nul. Thomas, tu voulais réagir? Alors là, je viendrai dans un dictionnaire, un jeu de rôle dans un dictionnaire, quand on donne un mot peut avoir plusieurs situations en fonction de comment on l'utilise. Ouais, moi j'ai fait un entretien d'embauche, ou je l'ai même fait pendant une formation à secourisme. Ouais. Des choses qu'ils appelaient du jeu de rôle, où effectivement, on demande c'est une mise en situation, on donne un rôle, on dit t'es telle personne, t'es tel personnage, et montre-nous ce que tu sais faire. Alors, C'est pour moi, c'est du jeu de rôle. Dire, t'as bien un rôle, ça reste dans le terme du jeu parce que c'est pas réel. Ouais. Donc, c'est du jeu de rôle, mais c'est pas un jeu de rôle comme tel dont on le joue. Voilà, c'est ça. Donc, ce que tu soulignes, toi, c'est l'idée de dire que le terme jeu de rôle. Comme Flavie l'expliquait là, par exemple, pour ce que tu as fait pour l'Université nationale, c'est une autre manière de préciser, un jeu de rôle dans tel contexte. On va dire c'est un contexte professionnel, le jeu de rôle professionnel, ça correspondrait à ça. Sauf que si on prend toutes les animations PEDA qu'il y avait dans les années 70-80, ça s'appelait pas jeu de rôle, ça s'appelait mise en situation. D'accord. Ouais. Sauf que jeu de rôle, c'est devenu à la mode après. Mmh. Alors on a dit jeu de rôle, ça ferait plus classe. Mais donc ça nous permet de répondre à notre question initiale de ce podcast. Sommes-nous tous des rôlistes? Le gars qui fait du jeu de rôle dans le cadre de son travail, au sens où il fait passer des entretiens d'embauche grâce à ça, etc., n'est pas un rôliste au sens où il ne pratique pas le jeu de rôle comme nous le pratiquons. Comme un jeu de société. Exactement. C'est ça que tu veux dire. Exactement. Thomas. Oh ouais. Non, c'est clair. Hein, le jeu de rôle, tel que nous le pratiquons, c'est vraiment dans un cadre ludique. Ouais. C'est dans un cadre ludique. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, tu mets un professionnel, tu mets un psychologue et tu mets un patron, un psychologue et un rôliste. Tu lui dis jeu de rôle, ils ont trois définitions différentes. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Tu mets un schizophrène et tu lui parles de jeu de rôle, et tu vas voir ce qui va te sortir sur le jeu. Donc un jeu de rôle, donc le jeu de rôle ne se limite pas à jouer un rôle, se mettre en situation, il faut aussi qu'il y ait des règles, c'est quelque chose qui s'organise dans le cadre d'une soirée, comme on organise un jeu de société, le jeu de rôle dont on parle nous, c'est bien ça. Le jeu de rôle auquel on parle, ce qu'on disait tout à l'heure, ça découle du jeu de société, donc c'est-à-dire qu'il faut être plusieurs, qu'il faut spécifier le cadre. Et à partir de là, en fonction des règles qu'on est données, on peut s'amuser et créer une histoire. Ouais. Et moi, j'irais même jusqu'à dire que ça peut être dangereux, finalement, de confondre la mise en situation, le jeu de faire semblant, le truc d'imitation des enfants avec du jeu de rôle. Est-ce que ce n'est pas quelque part ce qui a créé les situations de malaise qu'on a connues dans les années 80-90? Je ne pense pas que c'est ce qui a permis de créer les situations de malaise. Je pense surtout à un souci d'incompréhension. Ouais. Effectivement, un patron, tu lui proposes de faire un jeu de rôle, il arrive à notre table, on frite des monstres à coups d'épée, il va se dire « Attends, c'est quoi ce bordel ?» D'accord. Voilà. T'emmènes un clown, tu lui proposes de faire un jeu de rôle, il va dire ah, c'est cool, on va se marrer. Ouais, c'est clair. Et là, on fait quoi? On a fait du monstre. Non, mais ouais, on connaît sur Silent Drift quelqu'un qui fait des études de clown. Donc c'est non, c'est vraiment ça a l'air vraiment intéressant. Il en parlait, ça a l'air vraiment intéressant. Flavie est en train de bailler, donc je peux pas lui passer la parole. Vas-y. Voilà, c'est bon, Flavie. Ah, je ne baillais pas, j'ouvrais grand la bouche. Attends, tu plaisantes. Non, mais ça, tu vois ça avec Rome, hein, t'es pas obligé de le faire avec le micro. Hein. Alors, Flavie. Oh le micro. Oh le micro. Flavie, donc je te voyais quand je parlais des années 80-90 et des problèmes qu'a rencontré le jeu de rôle, dire que justement cette confusion pouvait être à l'origine des problèmes qu'a rencontré le jeu de rôle. Je te voyais dire oui. Qu'est-ce que tu dis, Thomas? Pelo. Ça veut dire quoi, ça? Tous les geeks comprendront. D'accord, ok. Bon, je ne dois pas être un geek, parce que je ne comprends pas. Donc voilà, qu'est-ce que tu voulais dire? Enfin, Moi, ça m'a fait penser à... Mais bon, je me base un peu sur mon expérience, hein, donc je m'excuse d'avance. Ouais. Il se trouve que j'ai été pionne, fut un temps. Ouais. Et que j'avais une CPE qui avait bossé dans les années 80, hein, au moment de l'explosion du jeu de rôle dans les collèges, où il y avait chaque collège avait son association, etc. Mmh. Et en fait, eux, ils ne savaient pas ce que c'était le jeu de rôle. D'accord. Et eux, ils pensaient jeu de rôle, genre mise en situation, tu vois. Donc, ils pensaient, ils font une sorte de théâtre. Mmh, bah oui. Pour eux, c'était ça. Et... ils ont eu grave les boules quand ils se sont rendus compte que c'était des trucs avec des bouquins et tout. Et le fait que ce soit soutenu par des livres, ça rendait le truc un petit peu... Ah, c'est trop beau, les questionnels. Vous vous rendez compte, les enfants? Ils ont des livres, ils les lisent. C'est flippant. Non, mais je te jure, elle me disait qu'elle était allée trouver les livres et tout, et qu'elle les avait lus. Limite, c'était presque une secte, tu vois. Ça parle d'un univers différent et tout. Il y a des dieux. Alors, en plus, vous imaginez bien ce que c'était Nyarlathotep, voilà. Oui, non, mais ça, c'est pareil. C'est par rapport au message qu'on peut se faire, c'est que à son âge, d'une part, elle savait pas ce que c'était. Ouais. Il est possible que à cette époque-là, les sectes, ça faisait beaucoup parler, et que effectivement, on parle de d'autres divinités, on leur donne des codes de comment réagir. Effectivement, on pourrait penser à du recrutement. Quoi. Mais ouais. Tu vois, c'était ensuite, elle les a vus faire des parties, il y avait pas de souci, tu vois. Mais elle s'est mise à la place des parents. Qui découvrent que leur enfant fait partie de cette association de jeux de rôle, qui pensent « Oh, il fait du théâtre !» Et qui se ramène et ils voient lancer des dés et dire « Ah, oh, j'ai perdu des points de San !»« J'ai perdu, j'ai tué un monstre, voilà. Etc. » Et elle disait qu'elle comprenait parfaitement que certaines personnes n'aient plus flippé, en fait. D'accord. Mais encore une fois... Pareil, ouais. C'est pas la définition. C'est pas ça qui a fait que les gens ont plus peur. C'est l'incompréhension. Mais l'incompréhension n'a jamais aidé à limiter de la peur. Hein. Mais je pense aussi le fait que le jeu de rôle ait pu être utilisé dans un contexte autre, genre en psychologie, que le jeu de rôle ait pu être utilisé dans des entretiens d'embauche, que le jeu de rôle ait pu être confondu avec une mise en situation réelle, avec des reconstitutions, comme c'est le cas par exemple, comme le fait la police, avec des GN et des gens costumés, le fait que tout ça, qu'il y ait une espèce de confusion autour du jeu de rôle, je pense que tout ça a permis qu'une polémique naisse au sujet du jeu de rôle dans les années 80-90. Et que c'est ça, le problème c'est la confusion, c'est-à-dire qu'on confond le fait de se mettre à la place de quelqu'un, le fait d'avoir de l'empathie pour quelqu'un, le fait de faire semblant d'être quelqu'un, on confond tout ça avec le jeu de rôle. Et on oublie qu'en fait, le jeu de rôle, c'est un jeu de société comme un autre, dans lequel il y a des règles avec des participants, des joueurs. La partie commence, la partie finit. Thomas. Moi, je veux juste dire que la polémique, c'est l'aîné, c'est parce qu'il y a des médias qui ont mal fait passer le message et qui ont fait tout pour dire regardez, c'est dangereux. Mais justement, ici. Et les gens, bêtement, ils ont dit je connais pas, oui, c'est dangereux. Tu penses que c'est ça? Tu penses pas qu'il y a une confusion, hein. Peut-être? Moi, je pense que ça aurait été moins facile pour les médias de le faire s'il n'y avait pas eu cette confusion. Oui, non, mais la confusion, faut pas se leurrer. Les gens qui ont commencé à faire la polémique, c'est pas les gens qui sont intéressés au sujet. Ouais. C'est les gens qui ont vu des images et qui se sont dit mais c'est dangereux, regardez ces fous là sur la muraille en train de gueuler en costume, c'est des malades. Ouais, d'accord. Ils ont pas cherché plus loin. Les polémiques, c'est comme ça. Je cherche pas à comprendre, on me donne des images brutes, et je vais pas chercher à les analyser. C'est le fait purement, simplement, et je me fais mon avis. Probablement le fait de sortir en fait du contexte. Du jeu en fait, des images de gens en train d'imiter ou des certaines actions, etc. Mais non, attention, moi je n'ai pas subi en fait cette moi non plus, hein. Ce phénomène. Moi, le jour où je suis allé voir mes parents, j'ai dit je fais partie d'un club de jeux de rôle. Mes parents sont pas inquiétés, ils ont plus pas cherché à savoir ce que c'était. Hein. Moi, mon père, c'était un petit peu inquiété, il se posait des questions. Moi, mes parents, il se trouve que j'ai des vieux papa et maman. Donc, eux, ils ont vécu très fort la polémique des années 80. Ouais. D'autant plus qu'à Rennes, il y avait vraiment eu le cas d'un mec un peu taré qui s'était levé en disant « Le roi est mort, vive le roi !» et s'était buté parce qu'il avait perdu son perso de jeu de rôle. Mmh. Donc, les médias ont dit que c'était parce qu'il avait perdu son perso de jeu de rôle. Je pense que les psychologues auraient une toute autre raison. Il n'était pas bien dans sa vie, il n'avait rien d'autre. Donc, bien sûr, évidemment, voilà, c'est ça le problème. Voilà, le vrai souci, c'est qu'il se serait suicidé pour une raison ou pour une autre, mais il a brisé là, quoi. Ouais. Mais bon, bref, du coup, ma mère, elle, quand je lui ai dit que je faisais du jeu de rôle, il a d'abord fallu, pour la calmer, que je lui présente un livre de jeu de rôle, que je lui montre comment on jouait. Bah oui. Et ensuite, ça allait déjà beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Ouais. Et quand elle a commencé à voir tes scarifications et tes rites vaudous, elle s'est pas plus inquiétée ? Ah, mais ça avait absolument rien à voir, voyons, c'est juste ma religion qui m'impose de faire ça. Non, mais alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tous rôlistes ? Qu'est-ce que ça veut dire quand des gens comme la FFJDR ou Thomas Laboret disent « on est tous rôlistes ». On voit bien que derrière l'idée, en fait, Thomas. Non bah moi, l'idée que je vois quand il veut dire ça, c'est dire qu'après tout, le jeu de rôle n'est pas un jeu élitiste, n'est pas réservé pour une certaine quantité, voilà. Que tout le monde peut faire du jeu de rôle et qu'après tout, tout le monde a la possibilité de le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande imagination, il n'y a pas besoin d'être parti d'un cycle particulier, d'être enfermé, avoir des boutons, des grosses lunettes, jouer à des jeux vidéo... Alors, est-ce que c'est vrai, ça ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même besoin d'un minimum d'imagination ? Alors, moi, je dirais qu'avant d'un minimum d'imagination, ce n'est pas ça, moi. Pour avoir essayé de faire jouer certaines personnes que je connaissais et avoir m'être confronté à un immense flop, il faut un minimum de sérieux dans l'imagination. Parce que, en fait, les gens que j'ai essayé de faire jouer, ils étaient incapables de se mettre dans une fiction. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, j'avais décidé de jouer dans l'univers de Cowboy Bebop pour déconner un peu. Ouais. Et en fait, c'était des mecs qui aimaient bien la base Cowboy Bebop. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Ils disaient « Ah, oh, c'est le Bebop !» Mais ils n'en avaient rien à branler. Ils faisaient des blagues à côté. En fait, ils n'étaient pas du tout capables de se mettre avec sérieux. Tu sais, quand tu utilises souvent cette citation Nietzsche, c'est jouer avec le sérieux des enfants. Je pense qu'il faut avoir ce sérieux-là pour pouvoir jouer au jeu. Devenir adulte. Alors, la citation exacte, je crois que c'est « devenir adulte c'est apprendre à retrouver le sérieux que l'on mettait dans ses jeux d'enfants. » Voilà. Je pense que le rôliste, c'est avant tout quelqu'un qui sait jouer avec le sérieux des enfants. D'accord, ouais. Et je pense que si t'as pas ça... pour jouer, c'est déjà beaucoup plus compliqué au jeu de rôle. Ok. Thomas, alors est-ce qu'on peut tous devenir rôliste, vraiment ? Est-ce que tu crois à ça ? Moi, je pense que tout le monde a le potentiel de devenir rôliste. Maintenant, ça reste un centre d'intérêt qui est quand même assez particulier. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne soient pas du tout attirés par le sujet. Je ne fais pas partie des gens qui disent « t'es intelligent, tu dois aimer le jeu de rôle ». Je trouve que beaucoup de gens sont curieux du sujet. Tu vois, tout le monde a éventuellement fréquenté quelqu'un qu'on a déjà fait ou on en a déjà entendu parler. Donc, il se dit, ah bon, mais c'est quoi ton truc Ça se passe comment exactement Les gens sont curieux. Quand je leur dis, ouais, je fais du jeu de rôle et tout, je vois dans le cadre de mon travail, moi, souvent, parce que j'ai pas honte d'être rôliste. Donc, moi, j'essaye de, justement, j'en fais exprès même de l'affirmer haut et fort. Bon, je sais pas si j'ai raison, mais je fais ça de manière à ce que ça rentre dans le quotidien des gens. Comme je sais pas si vous avez entendu, je fais juste une parenthèse. C'est une opération qui consistait à lire un livre de jeu de rôle dans le métro. Je trouvais ça rigolo, voilà. Pas du tout entendu parler. C'est sur le Grog. C'était l'année dernière, je crois. J'ai vu ça. Lire un livre de jeu de rôle dans le métro pour susciter la curiosité des passants, que les gens posent des questions et tout. Je trouvais ça marrant de faire rentrer le livre de jeu de rôle dans le quotidien des gens de cette manière-là. Donc voilà. C'était juste une fin de parenthèse. Mais en tout cas, moi, j'en parle et les gens sont curieux. Ils me posent des questions. Ils me demandent ce que c'est. Ils s'intéressent. Ils s'interrogent. Donc moi, je sais que je mets pas en avant. La curiosité, tout le monde là. Voilà. Je mets pas en avant. Mais à chaque fois que j'aborde le sujet, va rarement me poser des questions à savoir ce que c'est exactement. J'ai un jeu de rôle, généralement, ils font « Ah oui, j'en ai entendu parler ». Il n'y a pas longtemps, dans le cadre de mon travail, j'étais chez un collègue. Les impressions que j'avais faites donc, de listener RPG. Là, il me regarde, il fait « C'est quoi ton truc, là, Magic Cool Girl V2.0 ?» Je dis « Oh, je fais rien, c'est un jeu de rôle ». Et là, j'ai la femme d'un de mes collègues qui me fait « Ah, ça m'étonne pas que tu joues à ça ». Ah oui. Mais c'est pas les plus loin, pas poser plus de questions. Alors là, tu m'intéresses. Pourquoi est-ce que, à ton avis, pourquoi est-ce qu'elle a dit ça ? Alors justement, parce que tu vois, si on est tous rôlistes, pourquoi ? Enfin, c'est qu'il doit y avoir des. Enfin, si on est tous rôlistes ou si on n'est pas tous rôlistes, c'est qu'il doit y avoir des qualités ou je sais pas que les rôlistes peuvent avoir et qui. Ouais, d'accord. Je vais voir. Je fais partie de l'archétype des rôlistes. Est-ce que c'est vrai ? Moi, je vais t'aider aussi une petite anecdote qui va peut-être malheureusement t'indiquer un peu. Moi, en fait, dans le cadre de mon boulot, bon, je rappelle que je bosse dans l'éducation nationale, hein, donc tout est voilà, relatif. Ne dites pas qu'elle participait à ce podcast, on pourrait avoir... Voilà. non, mais bon, je suis très heureuse d'être dans l'éducation nationale, mais il s'avère que tous les gens avec qui je bosse ne sont pas rôlistes. Et en fait, la nana a appris que je faisais du jeu de rôle. Elle m'a dit « Ah, mais tu sais, moi, je suis plus les pieds sur terre. Hein, tu sais, je suis pas comme toi, moi. J'aime la réalité. » J'aime la réalité. Donc le rôliste n'aime pas la réalité. Alors moi je trouve ça absolument abusif. Je pense que c'est un stéréotype absolument monstrueux. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le j'aime les pieds sur terre et l'a terminé par tu sais moi je préfère regarder Top Chef. Top Chef. Oui. Thomas, tu voulais réagir. Je voulais surtout dire par rapport au fait qu'on dise que je préfère la réalité. Le jeu de rôle, c'est pas de la réalité. J'ai dit, attends, tu prends Shadowrun. Si ça, c'est pas la réalité, il y a un problème. Alors pourquoi dis ça ? Non, Shadowrun, l'univers est largement inspiré de la réalité. À chaque version, on prend ce qui se passe actuellement et on fait les modifications pour avancer dans l'année. Donc, Shadowrun, ouais, c'est une caricature de notre société pour mieux nous montrer ce qu'elle a de dégueulasse, quoi, en fait. Mais en fait, tous les jeux de rôle, c'est oui. On prend la réalité, on dit, tiens, j'aimerais montrer ça de la réalité que je trouve pas bien et c'est parti, je fais un jeu de rôle. Je pulsois, Thomas, mais bien sûr. Rêve de dragon. Rêve de dragon, c'est exactement ça. On part dans l'idée que dans le monde, tout n'est qu'un rêve. En fait, c'est des dragons qui s'endorment et qui vont créer différentes époques. Et nous, on joue des héros, donc des rêves de ces dragons. Bah, c'est ni plus ni moins un gars qui s'est dit, bah, tiens, on va faire une base, on va faire un jeu sur des gens qui dorment. Les joueurs, c'est les gens qui s'endorment pour faire un jeu de rôle. Et donc, il crée tout un univers par rapport à un MJ qui dit, bah, voilà, vous voyez tel truc. Et bah, chaque personnage, enfin chaque joueur va imaginer une auberge. Donc le dragon, en imaginant cette auberge, va le créer. Donc tout est lié par rapport à la réalité. Hein. Je trouve qu'à chaque fois, dans les jeux de rôle, il y a quelque chose à tirer, une caricature. Les jeux de rôle ne sont pas que divertissants, ne sont pas que une fuite des problématiques existentielles ou de la souffrance. Il y a des tas de jeux de rôle qui nous ramènent, qui nous mettent le nez dans notre merde, quoi, et qui nous font voir le monde différemment et autrement. Un petit thème, peut-être le thème d'un futur podcast. Peut-être. Hein, maintenant, moi, j'aimerais quand même... Flavie. Je trouve que ma collègue avait quand même dit quelque chose qui d'un côté pouvait être intéressant. Ouais. C'est-à-dire que elle disait je regarde Top Chef. Bon, bref, je pense que en fait elle voulait pas être dans des fictions au final. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Parce que c'est créer une fiction. C'est. Je crois que la réalité est la plus belle des fictions. Quand tu vois la publicité, la télévision... Oui, mais elle n'avait pas envie de vivre dans une autre réalité que la sienne, tu vois. Elle n'avait pas envie de vivre dans une autre fiction. Elle était très bien là où elle était. Elle n'avait pas... Parce que c'est vrai que quand on va jouer autour d'un jeu, faire un jeu de rôle, on est autour d'une table, on imagine des choses, c'est presque plus prégnant qu'un film, tu vois. Et je peux comprendre que tout le monde n'aime pas ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'intimité dans le jeu de rôle ? C'est-à-dire que pour faire du jeu de rôle... avec des gens, c'est-à-dire pour exprimer des choses, il faut quand même être habitué à exprimer des choses en public déjà, exprimer des choses devant ses amis. Je sais que Frédéric rappelle souvent que quand on exprime des choses en public, il y a trois choses dont on a peur. On a peur de l'obscène, d'exprimer un peu trop sa sexualité, ce genre de choses. On a peur du ridicule, c'est-à-dire de dire des choses absurdes. Et puis on a peur de la violence, d'être trop violent ou mal perçu. Dans tous les cas, d'être incompris. Mais dans tous les cas, est-ce qu'il y a pas quelque chose, est-ce qu'on n'exprime pas quelque chose aussi en créant comme ça, en improvisant, parce que c'est ça le problème, enfin le problème ou pas, c'est justement ce qui fait la beauté du sport à mon avis. Mais en improvisant, est-ce que du coup il y a pas quelque chose qu'on exprime et qu'on a et qu'il faut, on va dire, ne pas être timide pour jouer au jeu de rôle, quoi, c'est ça que je veux dire. Ah, en fait, le vrai souci de tous rôlistes, c'est que quelque part c'est faux, puisque on est personne n'est enfin comment dire, il est très difficile de dire on est tous comme ça, parce qu'il y a toujours des exceptions, je veux dire. Et le jeu de rôle, c'est quand même un passe-temps, c'est comme les jeux de société. Tout le monde n'aime pas jouer aux jeux de société. Je connais plein de gens qui détestent ça. Et le jeu de rôle fait partie des jeux de société, donc déjà à la base tout le monde n'est pas jeu de société, donc tout le monde ne sera pas jeu de rôle. Thomas, tu voulais dire quelque chose, tu voulais dire, je crois. Non, mais je voulais surtout revenir sur le fait que tu penses qu'il faut être quelqu'un de pas timide pour jouer au jeu de rôle. Ouais, tu es en train de mettre comme quoi les rôlistes sont pas timides. Je fais l'hypothèse, j'ai l'expérience sur une des méthodes d'avoir une personne très renfermée. Ouais. qui a beaucoup de mal à s'exprimer. Et quelque part, au bout d'un moment, à force de l'appuyer, dire mais vas-y, dis ce que tu penses, va commencer à jouer son personnage, bien s'exprimer et triper autant son personnage. Mais je suis d'accord avec toi. Et moi, je trouve que souvent, les quelques joueurs que j'ai eu qui étaient très timides se relevaient de très bons joueurs parce qu'ils s'intéressent beaucoup à l'histoire et dès qu'ils sont lancés, ils te font des scènes énormes. Mais c'est clair, t'as raison. Mais c'est ça le truc, c'est tout dépend de ce qu'on appelle timide. Il y a des gens qui peuvent être timides dans la vie de tous les jours et puis au cours d'une partie de jeu de rôle se révéler et être justement profiter de cette occasion pour décrire un petit peu ce qu'ils ont en eux, l'imaginaire, les idées merveilleuses qu'ils ont en eux. Oui, non, moi je sais que généralement à chaque fois que j'ai jamais incité les gens à découvrir le jeu de rôle. Moi c'est toujours quelque chose, si on pose la question je dis oui je suis rôliste, j'explique un peu si on pose la question et j'invite toujours les gens à me dire j'ai une table en course, tu peux venir jouer, viens jouer. Ouais. Et souvent ce que j'ai comme réponse c'est je sais pas faire, je préfère venir voir. Ouais. Et moi c'est quelque chose qui me choque beaucoup en tant que rôliste parce qu'un jeu de rôle ne se regarde pas. Ouais, parce que si tu regardes un jeu de rôle tu te fais chier. Tu te fais chier. Hein. Et t'auras jamais une bonne image, faut jouer. Clair. Et c'est vrai que les gens ont l'habitude de dire je ne connais pas. Donc, je ne veux pas prendre part à ça, je veux d'abord avoir d'un vue extérieur. Je pense que c'est plutôt. Je veux analyser les règles du jeu. C'est pas. Je pense que c'est surtout dans l'idée de dire c'est simple, t'as un personnage, je te raconte une histoire. Quand je décris le jeu de rôle à des gens, généralement, je dis t'as un personnage, on raconte une histoire, et à un moment, on te demande qu'est-ce que tu fais. Ouais. Ouais, donc, et rien que ça, ils disent mais je ne saurais pas si je saurais faire ce qu'il faut. Mais c'est pas grave. Je pense que surtout le fait que les gens ne connaissent pas ont peur du média. Donc, est-ce que tout le monde est rôliste? Tout le monde a la potentialité d'être rôliste? C'est sûr. Ça, c'est moi, sûr. Je me souviens d'un podcast où des gens disaient non, mais pour faire du jeu de rôle, il faut avoir de l'imagination. Oui, c'est quoi, ça aide d'avoir de l'imagination. Mais si t'as quelqu'un derrière qui te fait une bonne description, mais tout le monde en a tous. On en a plus ou moins. Voilà. Je suis désolé. Il y a des gens, quand tu leur décris, un lieu, je reviens toujours sur mon auberge, y a des gars qui vont s'imaginer 4 murs, un toit, il y en a un qui vont s'imaginer tout, l'odeur des cuisines, la musique qui passe dans l'auberge. Moi, je trouve qu'il y a plus ou moins d'imagination. Juste un truc, un petit bémol, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a quand même un certain type de culture à avoir. Une culture. Culture commune, c'est ça que tu veux dire. Non, parce que la culture commune. Faut une culture commune. Ah non, mais je suis d'accord. Mais non, mais c'est clair. C'est-à-dire faut une culture commune. Tu déconnes, mais ça pose une sacrée limite quand même. Parce que tout le monde est rôliste, mais pas avec n'importe qui. Je m'explique, Thomas. Tout le monde est rôliste, mais pas avec n'importe qui. Genre, moi, par exemple, je sais que vu la culture que j'ai, je pourrais pas, par exemple, maîtriser un jeu de rôle à. Je l'ai déjà fait. Donc je sais, à des clochards par exemple, j'ai eu l'occasion au cours d'une manifestation, j'avais proposé de faire des parties de jeu de rôle, de jouer avec des clochards, avec des SDF, et j'ai eu énormément de mal à être un maître de jeu efficace pour eux. Pour quelle raison? Parce que je n'avais pas le niveau culturel pour m'adresser à eux. Ils connaissaient des choses de la rue que je ne connaissais pas. Donc du coup, quand je parlais de la rue, ils l'imaginaient d'une telle manière que moi, j'étais perdu. Il y avait incommunicabilité entre nous. C'est-à-dire qu'on peut être, tu vois, dans ce sens-là, il y a une culture quand même commune à avoir pour être ensemble autour d'une table. Et ça, c'est normal, comme pour une discussion. Oui, voilà. Si tout le monde n'a pas le même thème, la même culture, tu ne peux pas vraiment parler. Donc ça revient à la même chose, vu que le jeu de rôle, c'est quand même un problème de langage. Voilà, c'est un problème. Donc tu te retrouves avec les mêmes difficultés. Ouais, non, mais ça me paraît logique que pour pouvoir faire un jeu de rôle, tout le monde ait la même culture. Et c'est clair, tu prends 5 inconnus, tu leur proposes de faire un metfan, il y aura peut-être des gens qui n'auront pas connu. Maintenant, avec le Seigneur des Anneaux, il doit y avoir quand même un minimum. Mais il peut y avoir des gens qui ne connaissent pas. Tu parles de Space Opera, peut-être des gens ne connaîtront pas. Tu te proposes de faire un contemporain en France, c'était avec 5 Français ou 5 mecs qui vivent en France. Oui, ça marche. Aucun souci, ça marche. Mais bon, encore une fois, enfin 5 Français, encore une fois, ça dépend, mais bon. Mais oui, je vois bien ce que tu veux dire. Le truc, c'est que je trouve légitime qu'on puisse se poser la question tous rôlistes, dans la mesure où, quand même, dans le jeu de rôle, il y a quand même cette histoire de mise en situation, etc., qui semble être commun à toutes les personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Thomas, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais j'ai exactement ce que tu veux dire. Donc, je trouve ça légitime de se poser la question. Parce que, par contre, je trouve pas légitime de se poser la question tous tennisman, par exemple. Dans la mesure où on est tous tennisman, oui, si on prend une raquette et qu'on prend une balle dans les mains et qu'on accepte de jouer aux règles du tennis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tous pas forcément très bons tennisman. Hein, parce que moi, je suis une très médiocre tenniswoman. Mais tu vois, alors que tous rôlistes, on peut se poser la question dans la mesure où, puisqu'il n'y a pas de signe évident dire on est dans une partie de jeu de rôle ou pas, on peut se poser la question. J'étais tas de gens de mon entourage qui pensent que la réalité est un jeu de rôle. Il y a qu'à écouter le podcast numéro 6 où il y a Yann, quoi déjà où 5, que nous apporte le jeu de rôle. Donc, ah, notre, le podcast, fameux podcast du chaos, où Yann Sully dit texto à un moment donné, moi le jeu de rôle ça m'a appris à prendre du recul et à réaliser que la réalité c'était un petit peu un jeu de rôle, dans la mesure où chacun dans la réalité joue un rôle. Tu vois ce que je veux dire ? Là, est-ce qu'on peut pas se poser aussi la question, tous rôlistes ? Mais donc, on prend du recul sur la question, là. Mais surtout, moi je vais dire tous rôlistes. Est-ce que tout le monde a le potentiel de faire du jeu de rôle ? Bien évidemment. Tous rôlistes, non, parce qu'après tout, rôliste, c'est pas juste un simple mot, quoi. Rôliste, ça reste une définition. Un rôliste, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui fait du jeu de rôle. C'est ça. Donc, il y a la culture... les pratiques, voilà. Après, tu as différents types de rôlistes, mais voilà. Mais tu vois, tu comprends. Tout le monde a la possibilité de faire du jeu de rôle. Oui, je pense que la confusion, elle s'explique là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans une société, il y a un ensemble de règles, que les apprendre, c'est ce qu'on appelle la socialisation, on apprend des règles d'une société, et qu'une fois qu'on est dans la société, on joue tous un peu un rôle dans cette société, moi le rôle du prof, de l'animateur de podcast, etc. Et du coup, on confond ça avec le jeu de rôle. Flavie. Moi, je vois ça, c'est parce qu'il y a une histoire qui se crée, l'histoire avec un grand H, dire que tout le monde a l'impression d'être un rôliste. Et tout le monde y participe. Oui, mais dans ces cas-là, ça tombe sous la définition du jeu de rôle. Le truc, c'est que cette définition-là tombe sous n'importe quelle chose qui permet de créer une histoire. Parce que dans ces cas-là, on est tous en train d'écrire une histoire, on est tous des personnages d'une histoire, où on pourrait très bien s'imaginer dans un jeu vidéo et participer au jeu d'une histoire. Tout à fait. Dans ces cas-là, non, c'est pas le jeu de rôle qui permet cette définition-là. C'est juste le fait de créer une fiction. Et non, le jeu de rôle n'est pas la seule média qui le permette. Encore une fois, je trouve que autant jouer, on est tous joueurs de jeux vidéo dans la mesure où on peut tous se mettre une manette dans les mains et jouer à un jeu vidéo. On est tous potentiellement cinéphiles ou on aime tous potentiellement le cinéma parce qu'on peut tous se mettre devant un écran. Mais bon, le jeu de rôle, il y a quelque chose de spécial. Je sais pas, quelque chose. J'arrive pas, je peux pas encore mettre de mots dessus. Interactif. Mais... Ouais, totalement, oui. Et tu penses du coup que ça explique le fait que... Si moi je dois faire une différence entre le cinéma, le jeu vidéo et... Mais oui, c'est l'interaction. Et le jeu de rôle, c'est que dans le jeu de rôle, c'est le média dans lequel tu as le plus d'interaction. Si on prend un jeu de rôle avec un MJ, avec des caractères et des compétences, t'as beau avoir un MJ qui te raconte une histoire, derrière tes joueurs, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Et quand j'entends des MJ qui disent, bah voilà, moi j'essaie de prévoir toutes les actions que font mes joueurs, tu dis, mais c'est une connerie. C'est d'une part impossible, et puis ce serait, fais un film, quoi. Bon, fais un film. Bon, en attendant, t'es du Snake. Just do it. Hein, fais-nous une bonne émission de radio. Juste un fais-le. Bon Craft Mag. Voilà, juste fais-le. Allez, on vous laisse avec du Snake. Et après, une courte pause musicale. À bientôt, tout le monde. Jouez bien, c'est ça qui compte. À bientôt.